Ticket nunc de la musique et des mots. Mon bruit est unique. Musique, paroles, écoute. Ticket nunc, performance sonore, tous les premiers et troisièmes vendredis du mois, de 21h à 22h, sur Radio Alma 101.9 FM. On est de retour depuis, ça fait un petit temps, depuis la dernière émission. On vous souhaite la bienvenue sur 101.9 FM Radio Alma, Ticket nunc. Et ce soir, on se retrouve autour d'un thème assez spécial. C'est, on l'a défini, famille, foi, fainéant. Ce sont trois mots d'ordre, trois idées fondamentales qu'on a juxtaposées de façon un peu provocatrice, vous en doutez. Et pourquoi famille? Alors, parce que bon, c'est quand même une unité fondamentale de la société. Et ce l'est toujours d'une certaine façon, au point que même les unités plus petites sont définies par ce concept finalement. Pensons par exemple aux familles monoparentales, donc même en ayant seulement un parent, ça reste une famille. Et, mais bon, de tout ça, on reviendra à parler. Le deuxième mot d'ordre est la foi. Pourquoi la foi? On pourrait se dire qu'elle perd d'influence aujourd'hui, ou alors peut-être comme pour la famille, qu'elle change de forme. Mais l'association entre famille et foi nous vient d'un binôme très parlant en italien, c'est casa e chiesa, tutta casa e chiesa, ça veut dire maison et église ou paroisse. Et ce binôme est employé pour définir une fille comme il le faut. Donc, à savoir quelqu'un qui s'accomplit à la maison et à la paroisse. Et disons, évidemment, ce n'est plus forcément le cas aujourd'hui, mais l'expression est restée. Et évidemment, elle est souvent utilisée aussi de façon critique. Mais comment alors a changé ou change ce rapport à la foi? Quelle place tient-elle encore dans notre société? Dernier mot-clé, les fainéants. C'est évidemment un ton un peu différent, mais ce mot ouvre un autre débat fondamental, je dirais, dans cette structure morale qui nous entoure ou peut-être même nous fonde. Et c'est la place, quelle place est donnée au devoir, au travail et à la productivité. Et en parlant de productivité, on pourrait effectivement refermer le cercle et donc revenir sur la reproductivité et donc sur la famille. Mais bon, tout cela pour vous dire que pourquoi ai-je choisi ce thème? Ben, il y avait une très très bonne raison, et c'était celle de pas seulement rassembler ces trois paroles d'ordre, mais de tenter quelqu'un à venir me rendre visite ici à Radio Alma, et c'est-à-dire quelqu'un qui sûrement aurait voulu réagir à ce thème. C'est Théophile de Giraud, que j'ai le plaisir d'accueillir ici ce soir à Radio Alma. Bienvenue Théophile. Bonjour, bonjour. C'est bien avec plaisir, vraiment. C'est vrai que la thématique est très alléchante. Voilà, il y a moyen de tirer au bazooka, donc on peut se marrer. Sûrement, oui. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, Théophile de Giraud est un des très, ça c'est moi qui le dis, des auteurs les plus important ou emblématique, en tout cas assez, qui soulève discussion ici à Bruxelles pour l'instant, avec seulement des mots écrits, mais aussi des actions, débats, des actions-débats. Et donc, entre autres, il a publié De l'art de guillotiner les procréateurs. Ça laisse espérer pour ce débat aujourd'hui. J'ai La mort qui trompe en 2007. Il a publié Cold Love, Satanic Sex and Funny Suicide chez toujours chez La Mort qui Trompe, en 2008, Diogenèse, poème fleurissant pour patienter entre deux génocides chez Maelstrom Éditions. C'est un booklegs, le numéro 39. Et entre autres, ben, je ne suis pas sûre d'avoir tout cité, mais apparaître, toujours en thème pour ce soir, les aphorismes à l'usage des futurs familicides chez Biliki. Donc tout ça me fait dire que vraiment on a un spécialiste ici pour ce sujet. En tout cas, je suis vraiment très contente de pouvoir... Mais je suis très content de venir, Julieta, évidemment. Oh, oui, là, c'est des thématiques très intéressantes. J'ai pris pas mal de matériel avec moi, d'ailleurs, donc on va pouvoir... Les outils de l'écrivain, de lecteur. Voilà, oui, c'est clair. Bah, tu sais, ce sont des thématiques qui sont très chaudes, en fait, au niveau littéraire et même philosophique. Hein. Bon, parce que, évidemment, quand tu dis foi, par exemple, on évoque directement Dieu, donc je veux dire, ça ouvre des perspectives énormes. Donc voilà, je vais dégommer ici la famille, les croyants, Dieu au passage, bien entendu. Et puis, je vais faire l'apologie, en effet, de la paresse, voilà, comme beaucoup avant moi. Donc, on prend un petit peu le contre-pied total, en fait. C'est vrai que là, on retourne la polarisation de la société qui, d'ordinaire, ben, valorise la famille, valorise la foi. On doit faire preuve de tolérance par rapport aux croyants, paraît-il. Bon, on va faire tout l'inverse, voilà. On va vraiment tirer au bazooka dans tout ça, et puis faire l'apologie de la paresse, parce que ça c'est super important, et t'as raison, on est dans une société qui est basée sur la performance, la compétition permanente, un truc très darwinien, très dur, très sportif, mais dans le mauvais sens du terme, et donc on va un petit peu rappeler aux gens qu'il est bon bah, justement de s'arrêter, de ne pas trop se fatiguer dans la vie, et d'utiliser tous les trucs pour tirer au flanc. C'est super important, parce que les gens sont tellement tout le temps stressés à vouloir trop faire, qu'il vaut beaucoup mieux relire les grands manifestes qui font l'éloge de la paresse. Donc ça, on en parlera peut-être en tout dernier lieu. D'accord. Qu'est-ce que tu penses ? Est-ce qu'on commence par un extrait pour ne pas faire que de la théorie, par faire vraiment un extrait plus littéraire ? Un extrait plus littéraire. Alors, je suis venu ici avec un texte, c'est un inédit, qui n'est pas de moi, c'est de Noël Godin. Il nous a fait le grand plaisir d'écrire ce texte que je trouve vraiment magnifique pour la fête de nos parents qu'on a organisée à Paris le samedi 15 mai, il y a donc un petit peu plus d'un mois. C'était donc pour célébrer les Child Free, les gens qui n'ont pas d'enfants, et Noël comptait parmi nos invités. Et il nous a écrit un très très beau texte, voilà, dans le Thalys, nous a-t-il dit. Il a improvisé ça en venant vers Paris. Et c'est un texte qui, en fait, montre très bien quelle est la position antinataliste dans l'anarchisme, parce que c'est une position qui s'est fort perdue, qui est très vivace au début du XXe siècle, avec des gens comme Paul Robin, Armand et d'autres. Et puis là, il y a eu un retour de flamme, de manivelle. Et aujourd'hui, les anarchistes, en fait, sont assez peu antinatalistes. Voilà. Alors que moi, je considère que si on utilise l'antinatalisme comme arme politique, on désarçonne totalement les gouvernements. On pourrait imaginer une grève de la procréation. Voilà. Donc, je lirai peut-être un petit aphorisme sur cette thématique-là après. Mais ici, je vais vous lire le texte de Noël, totalement anti-famille. Pondre des lardons dans le monde d'aujourd'hui, dans ce monde criminel de bêtises, n'est-ce pas vraiment, vraiment très crétin ? Puisque, premièrement, pondre des lardons, ça nous empêche de nous épanouir. Or, à quoi bon vivre si ce n'est pas pour faire de notre vie une aventure passionnante et désopilante dans laquelle on s'organise le mieux possible en niquant tous les obstacles ? Deuxièmement, pondre des lardons, c'est maso à crever, car ça implique le goût chrétien ou marxiste-léniniste du sacrifice crapoteux. Troisièmement, pondre des lardons, c'est totalement contre-révolutionnaire, puisque la révolution, la vraie, c'est l'accès de chacun à la jouissance sans entrave et qu'on ne peut enfanter sans renoncer à tout plein de jouissances pimentées et sans s'engluer dans des entraves de toute farine. William Blake s'écriait « Plutôt étrangler un enfant au berceau » que couver un désir inassouvi. Quatrièmement, pondre des lardons, ça gagatise. Plein de mes copines m'ont dit « Tu verras, je te le promets, quand je les aurai eus, ça sera comme avant sur tous les plans. » 28 environ sur les 30 se sont laissés gagatiser totalement par leurs gosses. Cinquièmement, pondre des lardons, c'est tout à fait dégueu et foutrement égocentrique de jeter des lardons dans un monde aussi désespérant que le nôtre. Sixièmement, pondre des lardons, c'est une des ruses principales du système pour nous tenir sous sa coupe. La maternité, c'est la servitude volontaire par excellence, grâce à laquelle les despotismes continuent à prospérer. Septièmement et dernièrement, au même titre que les flics, les curés et les patrons, les parents sont les loufias du capital, du travail et du pognon. L'ignoble rôle de la famille bourgeoise, tant conspuée en mai 68 et tant honorée de nos jours par nos nouvelles gauches, extrême gauche gélatineuses, c'est d'intégrer la jeunesse dans le cloaque autoritaire marchand. Les parents se chargent eux-mêmes d'enseigner à leurs marmailles le respect du pouvoir hiérarchisé, des loyers tabous, le réfrénement des appétences sexuelles, le bannissement graduel des inclinations garnementes, glougloutonnes et flemmardistes. Voilà, c'était un texte de Noël Godin. Moi, je trouve que c'est un vrai chef-d'œuvre parce que ça résume tout à fait. Moi, je partage absolument tout ce qu'il dit et ça résume bien en fait comment la famille aujourd'hui est valorisée par le système et comment c'est une pure arnaque de rentrer dans cette valorisation-là d'un point de vue de gauche, d'un point de vue révolutionnaire, parce que c'est clair qu'il n'y a rien qui bride plus les mains, qui bride plus les énergies que de devoir s'occuper d'un gosse. Bon, et c'est très bien de bien s'en occuper évidemment, mais en même temps, c'est clair que j'aurais mal vu Che Guevara pouponner et s'occuper de cinq gosses, quoi. Bon, si tu veux être dans la jungle et faire la guérilla, il vaut vraiment mieux ne pas trimballer de la marmaille derrière soi. Ah ben oui, c'est un point de vue. Effectivement, moi, ce qui m'a frappé dans ce texte, c'est effectivement le lien qu'il y a toujours entre la dimension famille et la dimension société. Parce que, bon, effectivement, c'est contre-révolutionnaire avoir des enfants. C'est vraiment... C'est quelque chose qui nous a induit par la société et que d'autre part aussi c'est une réponse à la société de ne pas avoir des enfants, de ne pas pondre des enfants. Et après, ben, cette maternité comme servitude par excellence, effectivement, c'est quelque chose qui parle peut-être beaucoup aux femmes. Mais qui parle beaucoup aux femmes, tu aux dis. Femmes. Le désir d'enfant. Non, aussi la servitude par excellence qui est... Ah oui, mais ça je crois, oui. Beaucoup de femmes, oui, beaucoup de femmes s'en plaignent, elles sont un peu prisonnières du système. On est conditionné dès la naissance hein, à vouloir faire des enfants, et c'est clair que les femmes sont super conditionnées là-dedans. Nous, bon, moi en tant que mec, j'étais conditionné à devenir un petit soldat agressif et à aller me battre pour la patrie si nécessaire. Mmh. Voilà, donc on met des jouets, tu vois, dans les mains des garçons qui sont d'un certain type et qui sont souvent militaristes, c'est affreux. Et dans les mains des filles, on met des poupées, voilà, et donc là il y a toute une théorie des genres, par exemple, que les féministes développent et qui montrent qu'en fait bon, le sexe et le genre, c'est deux choses différentes et qu'on peut vraiment déconditionner tout ça parce qu'aujourd'hui, il y a totalement conditionnement, quasiment robotique à assumer des rôles sociaux préétablis, et quand un bébé vient au monde, je crois qu'il n'a pas nécessairement envie de ces rôles-là, il a peut-être envie de faire une foule d'autres choses. Mmh. Et donc voilà, c'est clair qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes remettent ce désir d'enfant en question, ce conditionnement, la maternité en question, et c'est pour ça que le mouvement Child Free, No Kids, se développe très fort. Voilà, c'était pour ça qu'on a fait cette fête de non-parents avec Corinne Maillard notamment, qui elle est très intéressante dans la mesure où Corinne a deux enfants, elle s'en occupe très bien d'ailleurs, c'est des petits garnements, mais tout à fait adorables, enfin surtout Cyril, voilà, bon, il fait les 400 coups déjà à 13 ans, mais Corinne, bon, a écrit un superbe livre qui est devenu un classique, un best-seller même, qui s'appelle No Kids. Et là, c'est sous-titré 40 bonnes raisons de ne pas avoir d'enfants. Elle explique avec son expérience de mère. Donc là, c'est fortement intéressant parce que bon, moi, je peux parler du fait. Moi, je peux parler voilà, du rapport à l'enfant qu'en théorie. C'est en a priori. Mmh. Moi, j'en ai pas envie. Je me sens pas capable d'en faire. Donc je m'abstiens. Ça m'emmerderait plus qu'autre chose, je crois. Mais enfin, là, Corinne, vraiment, on parle d'expérience. Elle a été un peu soumise au conditionnement. Bon, elle a fait des enfants sans trop y réfléchir, comme beaucoup. Et puis après, zut, il faut les assumer. Et elle a constaté à quel point ça pouvait la brider dans toutes ses autres dimensions existentielles. Et donc là, dans ce best-seller No Kid, elle passe à la sulfateuse tous les prétendus bonnes raisons d'en faire, voilà, de faire des enfants. Et je peux peut-être vous en lire un petit extrait d'ailleurs, le temps peut-être de trouver la page, parce que là c'est vrai qu'on est un peu en plein d'impro. Alors il y a un passage savoureux, voilà, qui parle de ça justement, je crois. Voilà. Peut-on imaginer du neuf en torchant des derrières, en donnant des biberons et en faisant réciter des tables de multiplication? La question est toujours ouverte. Il faut reconnaître que les tâches prosaïques et abrutissantes inhérentes à la maternité sont quand même un sacré frein pour déployer les ailes de géant de la pensée. Les femmes sont-elles victimes d'un ordre injuste édicté par les hommes, ou bien les victimes de leurs propres enfants qui sont autant d'excuses pour ne rien créer, ne rien accomplir? Je ne tranche pas, je rêvasse dans mon coin. Qui sait ce que je serais devenu si je n'avais pas eu d'enfant. Voilà, donc tu vois, c'est quelque chose qui est fort remis en question aujourd'hui. Mais il y a encore beaucoup de blocages, beaucoup d'inhibitions par rapport à ça, puisque c'est une évidence, et le plus dur à démonter, ce sont les évidences. Donc on vit là sur un bloc de béton armé, la famille c'est bien, les enfants c'est magnifique, tu vois tous les people vont s'afficher avec leurs gosses. Et puis tout ce petit mouvement qui est contestataire par rapport à ça, mais il est très très difficile de s'exprimer. Et malheureusement, même la gauche en fait est très réticente par rapport à ces idées. Alors que comme je te le disais tout à l'heure, il y aurait moyen d'utiliser le refus de procréer comme une arme politique extraordinaire. Je vais te lire peut-être rapidement un aphorisme justement qui va être publié chez Biliki prochainement. C'est grève de la procréation. Il est regrettable que les altermondialistes n'aient pas l'idée ou l'intrépidité d'utiliser l'unique arme réellement crapuloclaste dont ils disposent, la grève de la procréation. Priver aussi longtemps que nécessaire les multinationales de nouveaux travailleurs à broyer et de nouveaux clients à gruger. Voilà qui ferait certainement réfléchir les omnipotents gredins de la finance et de l'industrie planéticide. Plus de bébés tant que les richesses ne sont pas équitablement réparties. Plus de bébés tant que les droits de l'homme, de la femme et de l'enfant ne sont pas intégralement respectés. Plus de bébés tant que l'environnement ne fait pas l'objet d'une protection étanche et d'une dépollution poussée. Bref, un moratoire absolu sur la fabrication de bébés tant que notre monde demeure scandaleusement immonde. Quelle claque pour les gouvernements. Mais nos révolutionnaires sont-ils capables d'une telle assaise, d'une telle éthique? N'ayant guère de scrupules à se reproduire dans une prison poubelle, ils se plaignent lorsque les puissants les traitent comme des déchets. Mais au fond, de toutes ces épluchures, que pense leur progéniture? Merci, merci Théo. Donc en fait, dans ce sens, l'action politique serait de ne plus faire d'enfants. Mais moi, je me demande un peu, puisque tous les gouvernements sont tellement préoccupés qu'on ne fait plus d'enfants, que les taux de naissance diminuent, en tout cas dans les pays les plus riches, justement, ouais. Est-ce que c'est pas peut-être même contre, en fait, l'idéologie dominante de la productivité? Et est-ce que faire des enfants n'est pas déjà quelque chose d'improductif? Est-ce que ça pourrait pas être vu aussi dans un scénario de l'avenir que en fait c'est juste une toute petite minorité un peu rétrogradée, je sais pas, une minorité qui continue à faire des enfants alors que la majorité ne fait que rester dans ce processus de travail et de productivité, de cet autre côté plus économique. Est-ce que je connais, en tout cas, dans mon entourage, des workaholics qui n'ont absolument pas le temps de faire des enfants? Donc, est-ce que ça pourrait pas devenir, à un moment aussi, peut-être vraiment exactement le contraire? Si, oui, on pourrait l'imaginer, même plus que ça. Moi, j'ai un très bon ami, Gilles Duvivier, qui a pris la poudre d'escampette littéralement. Il a rencontré et épousé une Slovène, Estella, qui est vraiment adorable. Et ils ont décidé de prendre vraiment la marge, mais totale. Là, c'est pas juste dire je m'habille en noir, je fréquente les bistrots alternatifs, je fais un petit truc original de temps en temps. C'est vraiment une éthique de vie totale. Donc, ils sont partis s'installer en Slovénie, ils ont un terrain pas cher du tout, une maison rafistolée. Ils peuvent quasiment vivre en autarcie. Ils ont acheté une petite yourte aussi, voilà. Donc ils ont cette idée d'autonomie. Et voilà, ils fondent une famille. Et ça, c'est vrai que Gilles et Stella vivent sur un mode de rupture totale avec la notion de productivité que tu évoques par rapport au work alcoolique que tu évoques. C'est clair qu'ils sont pas du tout là-dedans parce qu'ils fonctionnent de façon autonome. Ils vivotent de petits boulots, de ceci, de cela. Et puis surtout, ils dépensent peu et ils cultivent leur propre jardin, et voilà, et donc ils essayent d'atteindre une forme d'autonomie absolue, notamment alimentaire, ce qui est le plus important, au niveau de vêtements, c'est des trucs de seconde main, et ils sont en train, voilà, de créer une petite tribu, voilà, de faire des enfants, et de se retrancher du système. Et c'est vrai que ces enfants ne vont pas être conditionnés pour devenir des acheteurs de produits, des consommateurs, des travailleurs soumis et obéissants, ils vont vraiment passer à toute autre chose, et Gilles et Stella ont une superbe idée pédagogique que je trouve vraiment adorable. C'est même le refus de les mettre à l'école, parce que l'école conditionne, justement, conditionne au travail, à l'obéissance, au sérieux, etc. Et donc, non, ça a élevé l'enfant de façon beaucoup plus proche de nos ancêtres, de voilà, plus dans une perspective traditionnelle. On pourrait évoquer les Amérindiens ou des choses comme ça, ou les Mongols, puisqu'ils vivent dans une yourte, en été du moins. C'est l'idée du partage des compétences. Donc là, c'est une vue anarchiste très chouette, où chacun, parmi leurs amis, parmi les membres de leur famille, dispose d'une compétence particulière, et chacun, évidemment, a envie de partager ses compétences avec l'enfant, et de le faire grandir comme ça. Donc l'enfant est toujours en apprentissage permanent, mais sous un mode ludique et très affectif. Voilà, il ne sera jamais négligé dans le fond de la classe, ou puni parce qu'il n'est pas bon. S'il n'a pas compris, on réexplique, voilà, un autre le fait, voilà. Et ça, c'est sublime. Donc là, je suis d'accord avec toi, et Gilles et Cella ont aussi cette idée de la jouissance de vivre, tout en étant en rupture par rapport au système. Mais ça, je veux dire, c'est une démarche extrême et rare. Ouais. Je la soutiens totalement, elle est admirable, et là je veux dire, je crois vraiment que leurs enfants vont être incroyablement heureux, parce que là, ils sont en pleine nature en plus, donc ça c'est vraiment l'idée que je défends. Donc moi, je suis très dur par rapport à la famille, aux parents, mais ce que je voudrais voir se réaliser, c'est plutôt ce que j'appelle l'agatogénisme, donc c'est engendrer selon le bien. Donc, c'est-à-dire avoir les clés de la vie, avoir une certaine sagesse, avoir beaucoup d'amour, beaucoup de belles lumières à l'intérieur qui rayonnent, et pouvoir partager ça avec les enfants, en faire peu, en faire bien, et vraiment leur donner tout l'amour, le respect et toutes les clés de la vie dont ils ont besoin, quoi. Et ça, si on y arrive, on réinvente le monde, quoi. On change l'humanité. Et d'où ça vient ce mot agatogénisme ? Oh, ça vient du grec, c'est tout con. Bah, agatos, ça veut dire bien, bon, bien. Et génisme, bon, bah, c'est comme dans eugénisme. Là, j'aurais pas voulu réutiliser le terme qui est très mal connoté et qui n'a rien à voir, puisque c'est pas du tout une sélection d'ordre biologique, ça n'a rien à voir du tout. C'est d'ordre spirituel, et c'est même pas une sélection non plus, c'est un appel à, voilà, faisons peu d'enfants, et si on en fait, ben faisons-les très bien, voilà, essayons de leur donner vraiment le meilleur, et ça veut dire, ça implique aussi de ne pas vouloir être parfait, parce que les parents qui se veulent parfaits sont souvent catastrophiques. Il faut s'accepter avec ses défauts, les connaître, et puis voilà, et puis l'enfant, il évolue bien dans un milieu positif. Ce qui compte, c'est d'être lumineux, plein d'amour, plein de bonne humeur, plein d'élan, plein de joie de vivre, et savoir vivre, c'est aussi justement paresser et apprendre ça à ses enfants. Oh, merci beaucoup. On va passer à de la musique. Benjamin, que on salue pour à l'occasion. Bonjour. Et on nous a déjà quelques notes pendant que vous parliez. Si on va écouter un morceau un peu plus en longueur, un morceau qui s'appelle Come Back to You. Merci. Oh, Ne trouvant pas ce que je cherchais, je soulevais la paupière effarée plus haut encore, jusqu'à ce que j'aperçusse un trône formé d'excréments humains et d'or, sur lequel trônait, avec un orgueil idiot, le corps recouvert d'un linceul fait avec des draps non lavés d'hôpital, ses pieds plongés dans une vaste mare de sang en ébullition, à la surface duquel s'élevaient, tout à coup, comme des ténias à travers le contenu d'un pot de chambre, deux ou trois têtes prudentes, et qui s'abaissaient aussitôt avec la rapidité de la flèche. Un coup de pied, bien appliqué sur l'os du nez, était la récompense connue de la révolte au règlement, occasionnée par le besoin de respirer un autre milieu. Car enfin, ces hommes n'étaient pas des poissons. Amphibies tout au plus, ils nageaient entre deux eaux dans ce liquide immonde, jusqu'à ce que, n'ayant pris un aurait d'abord la tête, les jambes et les bras, et en dernier lieu le tronc, jusqu'à ce qu'il ne restât plus rien, car il croquait les os. Ainsi de suite, durant les autres heures de son éternité. Quelquefois, il s'écriait « Je vous ai créé, donc j'ai le droit de faire de vous ce que je veux. Vous ne m'avez rien fait, je ne dis pas le contraire. Je vous fais souffrir, et c'est pour mon plaisir. » Et il reprenait son repas cruel, en remuant sa mâchoire inférieure, laquelle remuait sa barbe pleine de cervelle. Ô lecteur, ce dernier détail ne te fait-il pas venir l'eau à la bouche ? J'avais pensé m'entraîner, mais j'ai oublié. C'est Vard Locre. Alors, ici, oui, il était parti de textes d'Artaud, qu'il a mis en musique, un peu d'atmosphère autour. Je trouve que ça donnait très bien. Je ne sais pas si tu te rendais compte de ces petits bruits qui sortaient dans ta lecture. Oui, on imaginait que c'était les humains en train de barboter dans un grand pot de chambre, oui. Devant Dieu. Justement. Donc, Dieu est là, quelque part. Bah oui, on peut passer à la seconde partie, donc hein, la foi, donc fatalement, bah oui, la foi en quelque chose qui généralement malheureusement est Dieu, quand on croit encore à l'absolu ou à quelque chose d'indéterminé, ça va, mais le vrai problème c'est les religions et les croyants, voilà, ils sont parfois tellement intolérants que l'autre amont avait bien vu clair, et c'est vrai qu'on vient un peu trop sur l'évidence là aussi de la bonté de Dieu, c'est contradictoire. Je dis quelque part dans mes aphorismes quelque chose dans le genre théorème pour toute théologie future. La bonté de Dieu est inversement proportionnelle à sa puissance. Donc plus Dieu est puissant, plus il est exécrable, puisque tout de même, c'est l'horreur ici-bas, quoi, tu vois. Donc il est grand temps d'en finir avec cette représentation de Dieu qui est dogmatique et qui autorise tous les fascismes, tous les pires despotismes, tu vois, voilà, donc, et là, moi, je suis contre les religions, je peux être ouvert aux spiritualités, ça, bien entendu, parce que c'est d'abord quelque chose d'individuel qui n'implique personne d'autre, et qui crée une éthique personnelle, mais les religions, là, il faut en finir avec ce truc, parce que c'est tellement dogmatique, et c'est tellement absurde, tu vois, et ça, c'est bien que l'autre amont ose dire ça, voilà, Dieu, s'il existe, ça peut être qu'un être malveillant, ou alors tout à fait faiblard, et c'est peut-être à nous de l'aider, alors, dans ce cas-là, mais en tout cas, c'est sûrement pas le Dieu de la Bible, quoi, c'est certain. Ouais. Donc on est déjà, quand tu parlais de éthique, avant on parlait de morale, maintenant on parle de spiritualité versus foi, il y a en tout cas toujours cette dimension collective qui de quelque façon nous apporte quelque chose de dangereux, mais bon, ce danger vient, je crois, des personnes même, de l'usage qu'ils en font, effectivement, de ces termes, de ces concepts, et comment finalement ils deviennent peu flexibles, ces concepts, dans l'arrangement. Ben, en fait. Tu sais, la violence et l'intolérance sont inscrites dans les textes religieux, enfin, principalement des monothéismes. C'est moins vrai pour les polythéismes, mais que tu prennes l'Ancien Testament, le Nouveau ou le Coran, donc les trois grandes religions de la Bible, du livre, comme on dit. L'intolérance est inscrite dedans, tu as des passages d'une violence inouïe, évidemment on n'est pas sous silence pour ne pas trop choquer les croyants, pour ne pas attiser des conflits sociaux, etc. Mais il ne faut pas non plus croire que ces religions sont pacifiques par essence, c'est pas vrai du tout, le christianisme un peu plus, et encore le Christ dit quand même quelque part, je ne suis pas venu apporter la paix mais le glaive, bon c'est des trucs quand même terribles, c'est fréquemment cité à l'époque des croisades évidemment, tu vois dans les évangiles même qui sont encore relativement cool, puisqu'il dit quand même à un autre endroit, si on frappe sur la joue gauche, dans la joue droite, ce qui est très con aussi, mais bon. Mais tu prends l'Ancien Testament, tu prends le Coran, il y a des passages d'une violence inouïe. C'est pas bon à dire, évidemment. Enfin, si, il faut le dire, mais généralement, c'est mal vu. Mais il faut oser le dire, il faut dire aux gens, relisez les textes. Et puis là, vous pourrez commencer à dialoguer avec les religieux et leur mettre le nez dans leur caca, quoi. Voilà, donc finissons-en avec les religions et prenons les spiritualités. C'est des démarches personnelles, c'est des démarches de recherche de l'absolu, du sens, de n'importe quoi, d'une transcendance, mais sur un mode personnel, individuel et beaucoup plus authentique. Il n'y a pas besoin d'aller à la messe pour avoir un contact avec ce qu'on nomme l'absolu ou Dieu ou n'importe quoi. Ouais. Ça, sur ça, je suis d'accord. Et je suis d'accord sur le fait que il faut dire, oser dire un peu de tout. Effectivement, je me dis, justement, dans cette émission, j'espère qu'il y a de la place pour tous les points de vue. Et puis après, justement, moi, je ne suis pas toujours d'accord avec tous les points de vue, mais ça, c'est encore autre chose. Donc, par rapport à la foi, qu'est-ce que tu penses, quelle est encore aujourd'hui, est-ce qu'il y a une foi dans la famille, en fait ? Famille, oh. Ça, foi. Certainement, oui. Fénéant. Il y a une foi évidente dans la famille. Tout est conçu pour la valoriser. Donc, mais que ça soit la foi dans la famille ou la foi dans n'importe quoi, une foi, c'est quelque chose qui n'est pas rationnel. C'est quelque chose qui est impulsif, qui n'est pas pensé, qui même, je dirais, pas vécu. C'est quelque chose de confortable, finalement. Voilà, c'est la pensée molle, quoi. Donc, c'est parce que, à l'envers, la foi ne fonde plus forcément la famille aujourd'hui, dans le sens que les mariages sont plutôt pour la robe fait pour la robe blanche et pas forcément pour la messe, pour le contenu qui est prêché dedans. Mais c'est vrai, oui, il y a sans doute plus une foi dans la mode aujourd'hui, et on se marie plus à l'église en effet pour porter de jolis vêtements que pour autre chose, peut-être, je ne sais pas, ou pour correspondre à un conformisme, pour ne pas. Et j'ai entendu des gens qui disaient ça, oh oui, moi je crois pas, je suis pas croyant, je suis baptisé parce que on a la naissance quand on est catholique, mais je me marie à l'église pour faire plaisir à mes parents. Bon, je comprends pas, voilà. À quoi bon vouloir faire plaisir à ses parents de cette façon-là, voilà. Pourquoi refuser de choquer aussi les ancêtres qui n'avaient peut-être pas réfléchi autant que nous, on a pu le faire? Et pourquoi ne pas leur ouvrir les yeux en disant non, venez les parents, on va fêter ça dans un club échangiste, voilà, c'est plus rigolo de se marier dans un club échangiste qu'à l'église, quoi, non, enfin je sais pas. Peut-être, oui. Pour les marier, en tout cas. Alors, est-ce que tu voudrais nous lire un autre extrait ? Ou est-ce qu'on continue à faire de la théorie ? J'hésite entre deux textes, mais j'ai plus envie de lire Artaud qu'un des textes à moi. Artaud est quand même nettement meilleur, alors je vais lire des petits extraits par-ci par-là de son fameux « Pour en finir avec le jugement de Dieu ». Il va de soi que ça avait été censuré à la radio française à l'époque. C'est un texte de 1946, par là, ou 47. Alors ça commence très durement et on comprend pourquoi il était censuré. « Là où ça sent la merde, ça sent l'âtre. L'homme aurait très bien pu ne pas chier, ne pas ouvrir la poche anale. Mais il a choisi de chier comme il aurait choisi de vivre au lieu de consentir à vivre mort. C'est que, pour ne pas faire caca, il lui aurait fallu consentir à ne pas être. Mais il n'a pas su se résoudre à perdre l'être, c'est-à-dire à mourir vivant. Il y a dans l'être quelque chose de particulièrement tentant pour l'homme, et ce quelque chose est justement le caca. » Dieu est-il un être ? S'il en est un, c'est de la merde. S'il n'en est pas un, il n'est pas. Or, il n'est pas, mais comme le vide qui avance avec toutes ses formes, dont la représentation la plus parfaite est la marche d'un groupe incalculable de morpions. Je renie le baptême et la messe. Il n'y a pas d'acte humain qui, sur le plan érotique interne, soit plus pernicieux que la descente du soi-disant Jésus-Christ sur les autels. Alors, un dernier petit extrait. Si je le trouve, il y a beaucoup de pages dans ce livre. Connaissez-vous quelque chose de plus outrageusement fécal que l'histoire de Dieu et de son être, Satan, le con, la membrane du cœur, la truie, ignominieuse. Voilà, ça évidemment c'est de l'Artaud tout à fait infréquentable, c'est pour ça que je l'adore. Voilà, donc il a aussi très conflictuel avec Dieu, donc après l'autre amont on a Artaud hein, qui sont dans la même filiation. Et voilà, moi j'aime bien toutes ces contestations de ce qui est de l'ordre de la foi. Voilà, j'ai écrit quelque part que la foi est l'expression hyperbolique de l'espoir porté au comble de sa stupidité. Parce que croire, c'est justement se reposer sur quelque chose de tout à fait inexistant, impalpable. Il n'y a pas à croire, il y a à vivre, il y a à incarner, il y a à se battre, mais certainement pas à avoir foi en quoi que ce soit. Avoir la foi, c'est ne pas penser. C'est vrai que c'est souvent utilisé comme une excuse un peu, une excuse pour l'inaction et la non-réflexion d'une certaine façon. Mais en fait, moi j'ai donc ici devant moi quelques articles de la Constitution d'Italie, le droit fondamental. Parce que justement en réfléchissant à ce thème, je me disais, tiens, en fait l'article premier de la Constitution d'Italie, c'est l'Italia una repubblica democratica fondata sul lavoro, donc sur le travail. Et alors je me disais, ok, et est-ce que la foi et la famille sont représentées dans les premiers articles donc fondamentaux de cette loi fondamentale? Et alors justement, je suis tombée sur les articles sur la religion. Eh ben, effectivement, l'État catholique, l'État de l'Église, en fait, il est bien mentionné. La religion fait partie de la Constitution en Italie. Oui, mais pour dire que c'est séparé, mais justement, au moment où ça a été écrit, c'était pas si évident, donc il fallait vraiment l'écrire, que l'Église et l'État sont séparés, sont deux, et que l'État de l'Église, parce que bon, il y a le Vatican qui est à l'intérieur du territoire italien, bah, est souverain et complètement indépendant. Et que justement, les relations entre l'État et l'Église et toutes les questions de religion sont justement gérées par les Pati Lateranensi, qui sont de l'époque fasciste encore. Et alors, l'article 3, ben, évidemment, il y a la légalité de toutes les religions, autre que les opinions politiques, les conditions personnelles et sociales. Et la famille, évidemment, elle est protégée par l'État, ainsi que le mariage. Maintenant, je ne trouve pas l'article. Mais donc, tout ça est vraiment, vraiment à la base de... Bon, là, j'ai pris le cas italien parce que je le connais un peu mieux. Mais je crois qu'on pourrait faire cet exercice pour beaucoup de pays. C'est abominable, attends, ils valorisent plein d'horreurs. Mais ne te préoccupe pas. On comprend que Berlusconi soit au pouvoir, attends. Ne te préoccupe pas, Berlusconi est en train de même d'éliminer cette constitution. Donc il n'y a plus de loi fondamentale de droit en Italie. C'est fait, en fait. C'est en train de se défaire comme ça, lentement. Oui, il est temps de la réécrire, on sent que c'est périmé, hein. Ouais, il coule. D'ailleurs, il y a un bateau qui va débarquer à Gênes le samedi 26 juin, donc dans un peu plus qu'une semaine, pour justement célébrer les droits en Italie et faire renaître cette constitution qui est en train de s'effondrer, d'être effacée. Et donc, il y a déjà le passage de Barcelone jusqu'à Gênes, en fait, sont tous des Italiens qui vivent à l'étranger, qui s'embarquent sur ce navire et font la traversée en faisant la fête autour des droits et de tout ce qu'il peut y avoir de positif à amener en Italie. Donc, ce sont tous des gens qui ont dû partir pour la situation actuelle. Et justement, donc, ils arrivent à Gênes pour refonder ce pays. Et on va voir qu'est-ce que ça donnera. On en reparlera à la prochaine émission. Donc, je dirais que il est temps de passer à notre troisième thème, les fainéants. Est-ce que dans cette société, il y a de la place pour les fainéants, ou est-ce que tout le monde a seulement le droit au travail, comme cette constitution italienne met dans son premier article, une république fondée sur le travail? Bah, y a certainement tous les droits pour ceux qui prennent la peine de les prendre. C'est, voilà, il ne s'agit pas de savoir ce qui est permis ou pas permis, il s'agit de savoir de quoi on a envie et d'aller vers ça. Donc, Paul Lafargue, par exemple, qui était le gendre de Marx, ben, écrit en droit à la paresse. Hein. C'est vrai que le droit au travail, on en parle beaucoup, mais le droit à la paresse, ben, finalement, ça c'est un peu moins valorisé, c'est toujours très critiqué. Hein. C'est un des péchés capitaux, d'ailleurs, dans le catholicisme, la paresse. Et Lafargue, justement, a écrit ce texte en 1880, donc il y a déjà un petit bout de temps. Il n'est malheureusement pas encore inscrit au programme scolaire, mais il y a de très belles choses dedans. Voilà, une petite citation. Pour qu'il parvienne à la conscience de sa force, il faut que le prolétariat foule aux pieds les préjugés de la morale chrétienne, économique, libre-penseuse. Il faut qu'il retourne à ses instincts naturels, qu'il proclame les droits de la paresse mille et mille fois plus sacrés que les physiques droits de l'homme concoctés par les avocats métaphysiques de la révolution bourgeoise. Qu'il se contraigne à ne travailler que 3 heures par jour, à fainéanter et bombancer le reste de la journée et de la nuit. Et Paul Lafargue avait mis en exergue de son droit à la paresse une citation de Lessing qui dit ceci: « Paraissons en toutes choses, sauf en aimant et en buvant, sauf en paraissant. » Je trouve que c'est un très beau programme de vie. Oui, c'est un très beau programme de vie, ça. Un beau programme pour cette émission, pour notre auditoire. Donc, est-ce que je peux lire moi-même un petit extrait sur... par contre, ici, c'est le plaisir ou le devoir. Benjamin, comment était le... comment on disait ça en français, le plaisir avant le travail. Le travail passe avant le plaisir. Évidemment, le travail passe avant le plaisir. Donc, en italien, ça donne « prima il dovere ». Poi il piacere. Chi non si è sentito dire questa frase nella vita e chi anche non l'ha ripetuta a sua volta a qualche bambino o adulto che indulgeva in comportamenti autoreferenziali che procrastinavano le cose da fare. Che il piacere sia una nozione altamente moralizzata, che venga cioè declinato prevalentemente con il verbo dovere, sembra possa dirsi come un fatto nella nostra cultura. C'è sempre qualche ragione che impone che il piacere sia rimandato o addirittura messo da parte. Anche in questi tempi di identità consumistiche il piacere non risulta un'esperienza da godersi, bensì paradossalmente un caso di ulteriore insoddisfazione. Come afferma Zygmunt Bauman, se aveva ragione Max Weber affermando che il principio etico della vita di produzione era e doveva essere sempre, se lo scopo era una vita di produzione, il rinvio della gratificazione, allora la linea guida etica della vita di consumo, se l'etica di una vita semplice può essere presentata sotto forma di un codice di comportamento prescritto, deve essa essere il rimanere insoddisfatti. Donc, en fait, pour résumer, ici c'est affirmé que pour maintenir en place une société basée sur la production, en fait c'était vraiment la consommation qui devait rester c'était donc la production qui devait être l'objectif. Et maintenant, dans une société de consommation, par contre, l'objectif même pour maintenir la société en place, c'est l'insatisfaction. Parce que seulement l'insatisfaction peut perpétuer la consommation. Et donc, d'ici, tout un traité sur quelle est la place du plaisir dans notre société, et donc petite place. Le plaisir, parce que bon, le devoir ou le travail en français passe toujours devant le plaisir. Donc c'est une réflexion assez intéressante. C'est Alberto Zatti, Antropologia minima del piacere, per una teoria unificata della motivazione. Mais c'est une belle analyse, oui, c'est vrai que la société entretient les frustrations, l'insatisfaction, de manière même limite parfois artificielle, parce que c'est vrai qu'on doit prester des heures de bureau, 8 heures par jour, 5 jours par semaine, alors que toutes les statistiques montrent qu'en employé, les ouvriers dans les usines travaillent quand même un peu plus, c'est 6 heures sur 8, et les employés, c'est 5 heures, quoi. Enfin, c'est une moyenne, hein, donc ça veut dire qu'il y en a qui font beaucoup moins. Et c'est très bien aussi de faire moins au travail, c'est l'idée, ça s'appelle un petit peu enculer les patrons qui essayent tout le temps de nous enculer. Et par exemple, Corinne Maillard a écrit Bonjour Paris sur cette thématique-là. Elle s'est fait virer d'EDF. À l'époque, elle travaillait là-bas et elle donne comme ça plein de conseils dans Bonjour Paris pour avoir l'air de travailler tout en ne foutant rien. Donc, ça, c'est du grand art. Elle a, vraiment, c'est le terme qu'elle utilise, un art. Et bah, au contraire de tous les directeurs de ressources humaines et de tous les cadres qui diront c'est pas bien de ne rien faire au travail, Corinne démontre très bien qu'en fait, le truc tourne. La machine, elle tourne de toute façon. Il y aura toujours des stakhanovistes, il y aura toujours des gens qui sont drogués de travail. Donc laissons-les faire, ils en feront 10 fois plus, et puis nous surtout faisons-en le moins possible, prenons l'argent et tirons-nous quoi. Voilà, c'est une belle idée. Et tu vois, bon, j'ai parlé tout à l'heure de Paul Lafargue, mais alors un texte moins connu encore, c'est celui de Bertrand Russell, L'éloge de l'oisiveté. Voilà, ben, il reprend un petit peu toutes les thèses de Paul Lafargue, mais voilà, bon, Bertrand Russell lui-même, un philosophe, ben, revient avec cette idée que vraiment, le travail est une valeur fausse. Il faut savoir que le travail étymologiquement, c'est bien de tripalium en latin, et ça, c'était un supplice en fait. Voilà, le travail étymologiquement est un supplice, donc travailler c'est souffrir, donc il faut tout faire pour ne pas travailler, évidemment. Vive les chômeurs, vive comme je ne sais pas si tu sais, mais l'accouchement c'est aussi, en italien, c'est aussi le travail, en tout cas. Oui, et voilà. Donc, c'est aussi le supplice. Voilà, pour remettre ensemble les fils, ouais, des discours. Voilà, ici par exemple Bertrand Russell écrit ça dans les années 30 et dire « Croire que le travail est une vertu est la cause de grands maux dans le monde moderne. La voie du bonheur et de la prospérité passe par une diminution méthodique du travail. » Donc on voit bien quels sont les gens de gauche progressistes et intelligents et les gens de droite qui font marche arrière et qui se tirent toujours sur la corde pour maintenir les gens en esclavage. Donc Modric Hamon est l'exemple type en Belgique puisqu'il veut soi-disant remettre tout le monde au travail alors de toute façon il n'y en a pas, et faire la chasse aux chômeurs, mettre les minimes excès à la rue, et tout en prétendant que le travail est une vertu et qu'il faut en finir avec l'assistanat, ce sont ses propres termes, et responsabiliser les gens. Alors qu'en fait il pourrait très bien critiquer la droite qui ne cesse d'exploiter les gens, et vraiment la société, on peut la reconstruire autrement. Mais comme tu le dis bien, il faut en finir avec ces frustrations artificielles, ces insatisfactions qu'on crée pour simplement faire tourner la machine économique. Si tu réfléchis en fait à ce que autant que les gens passent à travailler pour acheter des gadgets ou pour vivre finalement de manière artificielle, c'est énorme. Et là, le contre-exemple, c'est cet ami Gilles dont je te parlais, qui prend totalement la poudre d'escampette et qui vit avec le strict minimum au niveau matériel, mais avec le maximum de jouissance existante. Et c'est ça la piste à suivre, et c'est comme ça qu'on peut casser le système totalement. Il faut boycotter absolument toute la machine économique, de la source jusqu'à son océan. Voilà. Très bien. Et donc ici, je voulais encore citer une autre voix qui va un peu dans la même direction, disons, c'est Jean-Marc Ferry. Et avec son plaidoyer en faveur de l'allocation universelle. Et donc l'idée est qu'un revenu social primaire pourrait être distribué de façon égalitaire et inconditionnelle, et que ça serait un véritable revenu de citoyenneté. Donc le travail qu'on serait envisagé de façon complètement différente. Donc, est-ce que ça pourrait pas aussi être une solution ? Mais c'est une solution, et puis surtout, prenons la richesse là où elle est, donc chez les riches, voilà, un dernier petit aphorisme, travail, activité détestable, mais ayant l'élégance de ne concerner que ceux qui souscrivent aux règles truquées du jeu de la vie en société. Les plus sages conservent le choix entre le parasitisme et le pillage des villas de luxe. Voilà, donc volons les grosses voitures de Modric Hamon et nous ne sommes pas conditionnés par son discours culpabilisateur. Voilà. Parfait. Donc sur ceci, on conclut cette émission. Moi, je suis très heureuse d'avoir pu faire cette petite discussion avec toi ici, Théophile de Giraud. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et merci à C'est avec plaisir, Julietta, vraiment, vraiment. Le moment d'émission, moi j'aime bien les radios libres comme ça où on peut s'exprimer. Tu vois, tout ce qu'on a dit ici à l'RTBF, t'es censuré, quoi, tu vois. Donc ici, c'est bien, c'est un espace d'expression à défendre. Merci pour votre invitation. Merci à toi. Et à la prochaine. Et merci, Benjamin, pour la régie. Benjamin Potel. Et à vous tous, merci d'avoir écouté, d'avoir passé cette heure avec nous. Benjamin va vous dire encore tous les noms de ceux qu'on a écoutés, parce qu'on aime bien promouvoir aussi des musiciens libres et indépendants. Oui, promouvoir l'indépendance, c'est bien. Donc, il y avait celui qui avait fait sa musique sur les Texarto. Les Texarto, on ne les a pas entendus parce que voilà, ça aurait dérangé peut-être quelqu'un dans ces discussions, donc j'ai pas mis. Mais en tout cas, c'était Vardlokr, V-A-R-D-H-L-O-K-R. Vous le trouvez sur Jamendo, vous pouvez découvrir son travail là-bas. Il y a aussi, donc on a écouté un morceau de Silence is Sexy. Le morceau, c'était Come Back to You. Peut-être qu'on va écouter... un deuxième morceau de Silence is Sexy. Très bien. Remercier d'avoir accompagné votre douce voix. Merci beaucoup. Et donc, le rendez-vous est pour la prochaine émission, ici chez Ik et Nunk, performance sonore sur Radio Allemagne 101.9. Au revoir. Where were you? The silence is sexy.